L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, oui, eh bien, deux actualités avec un nouvel invité, Philippe Lafeuille, danseur, chorégraphe et metteur en scène. Et je pourrais poursuivre pour dire qu'il est un artiste pluridisciplinaire et polymorphe, ai-je lu ici et là. Chacune de ses créations est un terrain de jeu où se mêlent tous les genres. La danse, le théâtre, l'humour, les arts plastiques. Mieux, j'ajoute à cela pour cette présentation, car, eh bien oui, j'ai un vrai plaisir à l'accueillir dans ce studio. Il nous disait hors micro que c'était la première fois. Oui, lui, c'est la première fois. Lui que je croise depuis tant d'années. Eh bien, avec Philippe Lafeuille, tout est possible. Attention. Alors, très rapidement, on va parler d'un spectacle qui, hélas, va jouer à guichet fermé. On se dit, mais il aurait fallu rajouter encore des séances. Pousser les murs, au moins. Philippe Lafeuille présente le spectacle Tutu. Un spectacle qui célèbre en quelque sorte les 20 ans d'une compagnie qui vous tient bien à cœur, la compagnie Chicos Mambo, qui a été créée, ai-je lu, à Barcelone en 1994. Oui, dans la Barcelone post-Jeux Olympiques. Alors, quel souvenir déjà de cette création? On va revenir aussi loin en arrière. Oui, un petit peu. D'accord. Un petit peu, on a un peu c'était, le temps. C'était un moment incroyable, c'était vraiment là où Barcelone, le monde avait découvert Barcelone avec les Jeux Olympiques, donc il y avait une effervescence qui, je pense, a beaucoup aidé à la création de cette compagnie, voilà, qui s'est basée sur l'échange, le rire, la danse. Mmh. Voilà, depuis 24 ans maintenant, on continue. Spectacle Tutu, je disais, qui se jouera à guichet fermé, en effet, spectacle complet pour deux représentations qui auront lieu les 23 et 24 mars. C'est ça. C'est prochainement, quand même, à l'apostrophe, au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Alors, spectacle qui est quand même une bonne marque de fabrique dans l'état d'esprit dans lequel vous travaillez vos créations. Alors, avant d'en arriver là, on va remonter même plus loin dans votre histoire. J'ai lu que vous avez découvert, vous, la danse en assistant à un spectacle de Maurice Béjart. C'est ça le déclic? Je pense que déjà avant, il y avait peut-être des petites graines semées. Je faisais des marionnettes, je faisais déjà... Voilà. Et un jour, oui, j'ai vu un spectacle au Palais des Sports. Et puis ça a été... c'est ça que je veux faire. Voilà. Aucun doute, ni aucune... direct. Alors, le spectacle Tutu, sur scène, 6 danseurs, comédiens, parce que difficile clown, de dire, ouais, clowns, clown. Ils sont des artistes complets. Ils n'ont pas peur de leur féminité comme de leur masculin. Oui, un sujet hautement dans nos actualités du moment. Je ne sais pas si c'est dans l'actualité, je n'ai pas pensé à l'actualité, c'est juste que je leur demande d'être très libres avec leur corps, et voilà, donc ils se déguisent. Folie burlesque, loufoque. Voilà, et plus il y a des encore. Moments pour rire, des moments pour pas que, il n'y a pas que du rire, il y a un peu de tout, de la poésie aussi, c'est une espèce de voyage, et voilà, mais c'est un moment avant tout de plaisir, parce que le plaisir pour moi est une donnée importante de mon travail. Du plaisir pour finalement détourner tous les codes de la danse, car on sait que dans le milieu... Tous les codes, je serais prétentieux de dire tous les codes, il y en a beaucoup des codes, hein. Certains, je m'attaque à certaines icônes, la danse classique... La danse contemporaine, voilà, ou d'autres. Mais c'est bienveillant, je me moque de moi-même. Mmh. Alors, spectacle qui a remporté un sacré succès, qui continue de tourner, oui. Qui a tourné dans le monde entier, presque. Oui, pas mal. Hein. On a pas mal voyé 400 représentations. Là, on vient de célébrer en Italie. Oui, donc, gros succès dès sa première présentation au Festival d'Avignon. C'était dans le OFF. La première représentation, c'était à Marseille. Marseille, attention, rendons aux Marseillais. Il y a un peu de Marseille dans le tutu, attention. Mm-hmm, mm-hmm. Et après, on a fait Paris. Avignon, Bobino. Ça a été Bobino. Bobino à Paris. Et après, le OFF et le Prix du Public. Et puis voilà. Ça, c'est le type de création qui nourrit votre appétit pour la danse et surtout pour mixer, fusionner d'autres disciplines artistiques dans votre travail de création. création? Ben là, oui, Tutu, c'est vraiment un spectacle où je peux me permettre de mettre plein de choses, des objets, des marionnettes, la danse, du théâtre, du clown, de l'accroche, du cirque. Oui, c'est un melting spectacle, on met plein de choses. Comme je dis toujours, moi, j'essaie d'utiliser le maximum de choses au service d'un spectacle. Il faut que ça ait un sens, évidemment, toujours, que ce ne soit pas gratuit, mais oui, j'aime bien mélanger. Dans la continuité de ces deux représentations, un troisième jour, où là, c'est un événement... On m'exploite à l'apostrophe, je suis un peu exploité. Et en plus, un dimanche. Un dimanche, puisque c'est le dimanche 25 mars, à 15h, il va se produire un événement tout à fait particulier, puisque vous nous conviez, tous ceux et celles qui sont à l'écoute, à un bal d'oise. Voilà. J'ai bien dit bal d'oise. Un bal. Alors, voilà. Bal d'oise avec l'idée de partager de cette notion de plaisir qui vous habite. Vous allez orchestrer ce bal d'oise avec 5 groupes de danseurs amateurs du Val d'Oise qui vont participer à cette aventure et avec le public qui sera présent. Voilà. Ben, l'idée, c'était de présenter un peu toutes les formes de danse qu'il y a sur le territoire, et d'inviter les gens à venir voir la pratique amateur qu'il y a, qui sont très différentes, et aussi d'amener les gens dans le théâtre pour qu'ils voient aussi le théâtre d'une façon différente, que le théâtre soit pas seulement un lieu aussi participatif, hein, qui crée un lien, et je pense que les gens se retrouvaient ensemble danser, et ils vont découvrir des choses, des techniques différentes, le country, le oriental keys, des trucs très, très pointus, et chaque association va faire une démonstration pour mettre en valeur, ce qu'ils font, et après, il y aura un apprentissage. Alors, je vais citer les 5 groupes associations de danseurs amateurs du Val d'Oise. Salsa Vexins, qui nous viendront de Menucourt, Lama Danse du Soleil, Doni, où là il sera question de danse orientale, d'oriental Kizomba même. Oui, ils ont des noms très perfectionnés. Et de cabaret cher. Cher comme la chaise. Ah bon? Oui. Il y a un peu de cher, c'est un peu sexy, mais c'est cher la chaise. Troisième association de danseurs, Sundiata Percussions. Là, on sera plutôt dans la danse africaine. Starlight Country, Sergi, plutôt dans la danse country et la line dance. Et le ballet d'Île-de-France avec les légendaires, où là, vous serez... Danse médiévale. Danse médiévale, baroque. Voilà, c'est une compagnie avec qui j'avais déjà travaillé à l'apostrophe sur un autre projet. On avait monté un sacre du printemps... Et je les retrouve, ils sont toujours partants pour faire des expériences. Ils sont une vingtaine et ils font des rondes et des danses qu'ils vont d'ailleurs apprendre au public qui viendra. Donc, on est dans quoi là? Dans une rencontre? Dans un bal. On danse et puis voilà. Dans un vrai bal? Ben oui, un vrai bal, ben évidemment. Donc, un vrai bal. Alors, on n'y a plus beaucoup des vrais bals. Oui, mais pardon, cher Philippe, un vrai bal, ça nécessite un parquet de danse, non? Ah ben ça, vous parlez avec madame la directrice, hein, c'est une question technique. Moi, je suis un artiste, hein, moi, c'est des projets. On va lui poser la question. Justement, si, on va faire un espace de bal dans le théâtre, va le transformer, on va enlever toutes les tribunes. Moi, j'interdis les chaises, parce que je veux pas que les gens s'assoient, parce que justement, on enlève le côté spectateur, là, on veut que les gens soient participent. Donc pas de chaise, on danse, on regarde, démonstration, et puis voilà. Et moi je vais orchestrer tout ça, en maître de cérémonie. Je participerai, j'apprendrai avec les gens les danses. Un bal qui va se passer en 2 parties. Chaque association va donc montrer leur danse à l'ensemble des personnes présentes. Comme une espèce de petite vignette sur le travail qu'ils font, qu'ils peuvent proposer. S'il y a des gens qui veulent après pratiquer, ils diront tiens, j'aimerais bien le faire. Pourquoi pas? Je leur ai demandé en 3 minutes de montrer un peu leur travail, qu'est-ce qu'ils font, quelles techniques ils proposent. Donc il y aura de la rueda cubana aussi, ils ont fait différentes présentations. Ils ont très peur d'ailleurs. Et ensuite, effectivement, la deuxième partie, là les associations vont apprendre au public, donc chacun va se laisser faire, emporter. C'est bienveillant, on se laisse faire, hein, vous inquiétez pas, ça fait très bienveillant. C'est ça, mais dans l'idée d'être emporté par le mouvement collectif. Ceux qui veulent participer, si vous venez à un bal, je pense que c'est pour vouloir bouger, donc évidemment ça va être des danses très faciles d'apprendre. Mais il faut oser, parce que quand vous dites on retire les chaises, pour ceux qui ont fréquenté comme moi les bals à l'ancienne, ancienne. Oui. Pardon, tout le monde ne dansait pas spontanément comme mais ça. Moi, j'oblige personne. Non, non, non, personne n'est obligé. Mais pardon, si on fait la démarche de venir à un bal, je pense que c'est pour. Oui, mais on, il faut. Je suis assez. Il faut oser. Je suis un peu autoritaire. Je suis un peu autoritaire. Ah. Bienveillant. Donc, bienveillant. J'ai une autoritaire bienveillant, on va dire. Alors, le jour du bal, je me retourne vers Feriel pour, effectivement, c'est une question élémentaire qui va se poser. Ce qui dit bal tel que c'est envisagé, il va falloir un parquet de danse pour permettre à chacun, chacune, eh bien, de participer à cette œuvre collective. Feriel. Ah bah alors ça, quand même, c'est pas très compliqué. Je voudrais rendre ici hommage à Luc Petit, notre directeur technique, qui est vraiment tout à fait capable d'organiser un parquet de danse et qui est très gentil. Donc ça, c'est ce qui est le plus simple. Mais je dirais que ce qui est intéressant dans cette histoire et qui fait le lien entre le projet de Jean-Joël et le mien, c'est que, évidemment, je me réjouis le 25 mars de voir ce bal, puisqu'il relie à la fois, j'ai envie de dire, des amateurs qui ont une pratique de danse dans le Val d'Oise, dont vous faites partie d'ailleurs, mon cher José, puisque bon. Je vous ai vu danser. Ah, il en a pas parlé. Voilà. Donc, dans mes premiers jours à Cergy Pontoise, je suis allée au Forum des associations et je vous ai vu danser ardemment. Voilà. Voilà. Vous pouvez encore rejoindre le bal. C'est pour ça qu'il est si questionnant avec vous, Philippe. Et donc, il y a bien, en effet, une prise en compte de traditions locales, d'associations qui ont envie de danser et d'un chorégraphe en face qui va finalement, d'une façon conviviale et ludique, leur apprendre, leur donner envie de rentrer dans un art chorégraphique un peu différent, le sien. Et c'est vrai que c'est tout à fait au cœur des projets que je pourrais développer. Mmh. Et donc, je me réjouis de découvrir ce grand bal d'Oise dimanche. Avec effectivement l'approche singulière qui est cette mixité des styles aussi. Parce que dans. Souvent... C'est la richesse de. Oui, parce que la danse, il y a plein de formes. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut braquer les projecteurs dessus. Surtout si on est en pratique amateur, la danse est très. Dans les théâtres, c'est vrai qu'on voit souvent des formes. Il y a... C'est pas toujours très diversifié, les jeux. La danse en théâtre. Et en pratique amateur, il y a beaucoup de styles, de choses. Et je pense que c'est important que ça vienne des gens qui aient envie d'échanger, de partager leurs pratiques. Voilà. Il y a des jeunes filles qui font du raga, là. Elles étaient ravies de vouloir apprendre. Ah oui, surtout, c'est intergénérationnel. Voilà, c'est pour... Parce que souvent, quand on pense danse amateur, on pense à des personnes âgées, seulement les personnes âgées. Non, non, il y a des jeunes filles. Des jeunes garçons. Des jeunes garçons. Non, il y en a de toutes les couleurs. Alors, moi, j'ai déjà assisté à des spectacles présentés par et orchestrés par Philippe Lafeuille, notre invité. Vous avez l'art de conquérir le public dans son ensemble. J'ai vu, j'ai assisté à des salles qui avaient un cœur commun, qui les pulsations, les vibrations étaient tellement partagées par tous, impossible de rester à l'écart. Ben je pense que je peux faire danser pas mal de monde comme ça. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, parce qu'à la fin de mon spectacle Tutu, je fais danser le public pendant 3 minutes, et à chaque fois c'est assez incroyable la rencontre. Mais je pense que les gens ont besoin de ça. Moi, je ressens qu'il y a un besoin de vivre une expérience ensemble, et le corps est aussi un moyen de vivre cette expérience de lien. Social, on va dire. Lien social et intergénérationnel, vous faites bien d'appuyer sur le sujet, car les bals, en fait, dans notre société actuelle, ont plutôt disparu. Complètement disparu. Et on danse tout seul dans la boîte avec la musique. Voilà. On est dans son couple, tout ça, ça c'est un peu... Après, on va pas faire le discours, c'était mieux avant, c'est pas la question. Mais c'est vrai que je pense que le corps est un vecteur très important qu'on oublie au-delà du bal et... Et voilà, et moi quand je fais danser le public, je ressens qu'il y a vraiment... Alors c'est vrai que je le fais après un spectacle, où ils ont été, je pense, conquis, heureux, mais je les pousse à être dans le mouvement. Ils ont vu un spectacle de danse, je les pousse à être dans le mouvement. Je les mets en mouvement. Eh bien, date est retenue, où elle s'est... Vous danser le 25 mars. Voilà, allez. Le dimanche 25 mars, ça démarre à 15h, donc si vous arrivez avant, c'est mieux. Il faut réserver, comment s'organise-t-on? Bah oui, on est limité, on ne peut pas faire même entrer tout le monde, parce que la salle a... Mais tout le monde est invité, les petits, les grands, les moyens, tout le monde. 01 34 20 14 deux fois, 01 34 20 14 deux fois, avec le site internet, le www, tout attaché en un seul mot, .net pour les réservations. Et on peut s'habiller, se déguiser, se mettre en... C'est comme on voulait. Hein. Ah, on peut venir en, en costume. Si les gens veulent se faire plaisir, parce qu'on va au bal, on peut se mettre un joli costume. Ouais, ben voilà. Généralement, surtout, exprimez-vous. On pourra mettre mieux, on pourra mettre ses habits du dimanche. Ah ben voilà. Hein, parce que c'était comme ça. Ils sont pas un peu, ils coincent pas un peu les habits dimanche, ils sont pas un petit peu, c'est pas un peu. Ah non, non, non, ça a changé, cher Philippe. Ah, ça a changé. Ah, vous allez découvrir ça dans le Val d'Oise. Les habits du dimanche ne sont plus ce qu'ils étaient. Ah. Allez, juste quelques mots, puisque on vient de parler avec le sourire d'un spectacle participatif par excellence, Feriel Bakoury. Je crois savoir que dans les saisons qui vont venir, il va y avoir c'est un peu le projet artistique qui va s'installer petit à petit pour prolonger la vie de cette nouvelle scène nationale l'apostrophe autour de spectacles participatifs, puisque c'est un angle fort de votre programmation à venir. Et je crois savoir qu'il y a deux exemples qui vous tiennent à cœur. Atlas, c'est pour quel calendrier? Alors, sur les spectacles participatifs, oui, ils seront dans le projet, j'en ai déjà parlé ici. Je dis maintenant que il y en aura, ils sont hyper importants. On voit très bien comment Philippe raconte ça très bien et comment il est dedans. Il n'y aura pas que des projets participatifs. Je le dis parce que ça peut inquiéter certains spectateurs que de savoir qu'il y aurait que des projets participatifs, même s'ils sont merveilleux. Donc, je vais commencer par parler des pas participatifs et par dire que il y aura aussi beaucoup de projets parce que j'ai la chance de m'inscrire, j'ai envie de dire, dans une continuité de spectacles qui ont été programmés d'une grande qualité. Et qu'il y aura de la danse, de la musique, du cirque, comme il y en a toujours eu, avec des formes contemporaines. Mais en effet, il y aura un peu plus de projets participatifs, et il y en a plusieurs dans l'année. Il y en a un qui va marquer l'ouverture de saison, en effet, c'est Atlas. Atlas, c'est une forme qui a été conçue par des artistes portugais qui s'appellent Ana Borralho et José Galante, qui ont fait ça partout dans le monde, en fait, à Nanterre, au Brésil, en Espagne, à New York. Et leur idée, ce qu'ils ont fabriqué à chaque fois, c'est qu'ils cherchent dans chaque endroit où ils vont 100 participants qui auraient envie de raconter leur place dans leur ville, leur métier. Et tout l'intérêt finalement de cette forme-là, c'est que ce soit des gens pas du tout qui font acteurs et qui jouent leur métier, mais qui ont quelque chose à raconter de leur métier. Alors c'est intéressant ce que vous m'interrogez aujourd'hui, c'est une coïncidence puisqu'on était encore dans le quartier des Louvrais ce matin, et qu'on en discutait avec des gens du quartier, et que du coup, il y avait plein d'idées qui sortaient, tout d'un coup, on réfléchissait, puis si vous faisiez l'exercice, vous, José, ou vous autres, Philippe, Patrick, vous vous diriez, tiens, qui je connais, en fait, dans ma ville, qui me raconte des choses intéressantes, ça peut être votre coiffeur, votre boulanger, votre boucher, votre avocat, enfin, voilà, et l'idée, c'est avoir quelque chose à raconter. Alors, de mon côté à moi, qui arrive, du coup, dans le Val d'Oise, puisque j'ai été quand même 20 ans dans un autre département qui s'appelle le 9-3, c'est de donner à voir la pluralité, finalement, des populations, la diversité sociale, culturelle. Et c'est vrai que là, Gaël et Arnaud, qui sont avec moi, ils participent pleinement. On s'interroge sur cette composition, puisque ce projet sera dans le week-end d'ouverture qui aura lieu fin septembre. Ça sera un des projets. Voilà, parce qu'il y en a, il y a aussi, alors pour parler d'autre chose, il y en a deux autres, et je vais parler d'un dont je parle jamais parce que j'en ai parlé ce matin. Il y a une bibliothèque des rêves qui va être aussi dans le week-end d'ouverture. Alors la bibliothèque des rêves, ça va être quoi? C'est que sous casque, on pourra entendre au niveau donc du nouveau siège de la scène nationale dans le café de la plage, le récit de rêves qui ont été collectés avant. C'est une forme qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Christophe Roll et qui fait que ces artistes vont aller collecter auparavant, là où on leur dira, là où on aura envie, de manière impromptue ou de manière préparée, on en parlait avec la bibliothécaire des Louvrais, des gens qui vont raconter leurs rêves. Mais ça pourrait aussi être les rêves des gens qui seront dans Atlas, par exemple, vous voyez. Voilà l'exemple de projet participatif. Et puis, il y a en effet le grand projet Evry Serre. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Il est un peu différent, celui-là. Des chorales. Voilà, des chorales. Evry Serre est venue rencontrer les chefs de chœur hier matin. Elle était très émue, puisque, par ailleurs, c'était donc la première rencontre. Et en même temps, elle revenait du Mali. Donc, ce grand projet va joindre son groupe, le White Desert Orchestra, qui est un groupe de musique improvisée des plus intéressants aujourd'hui en France, avec un groupe de femmes maliennes musiciennes qui s'appelle les Naïmi Diabaté, qu'elle est allée rencontrer au Mali là précédemment. Et puis, en effet, un grand chœur. Alors, le chiffre 100, j'avais même pas remarqué qu'il est revenu tout le temps dans mes saisons. Sans métier, sans corrige, je l'avais même pas vu. Du Val d'Oise. Et là, en effet, on travaille avec les chefs de chœur. Et c'est vrai que ça sera présenté dans Jazz au fil de l'Oise. C'est le spectacle après l'ouverture qu'on a choisi de faire avec Isabelle Méchali. Et puis aussi avec le Festival Africolor, puisque c'est le Festival Africolor, Sébastien, que je connaissais dans le 93, qui a emmené Eve à la rencontre de ces musiciennes africaines. Alors, je crois que ces projets participatifs, Philippe pourra en parler, ils ont le mérite de mélanger, en effet, des cultures traditionnelles, des gens, d'amener de la convivialité. Il y a certainement une expérience humaine qui n'est pas la même que quand on regarde un spectacle, aussi beau que soit le spectacle. Et donc, il y a un croisement entre la pratique artistique et l'expérience humaine qui, c'est vrai, aujourd'hui, fait que les gens ont beaucoup envie de se retrouver, qu'ils se rencontrent et que ça devient des expériences formidables à suivre et à poursuivre un peu régulièrement pour que ça renouvelle un peu les portes d'entrée dans un théâtre, dans une scène nationale, un peu différemment.